Yeah, yeah, 2 minutes 32. Yeah, VKSS. Trop de choses à dire, je pourrais pas faire dans l'indécence. Rime volcanique, ouais, y'a de l'incandescence. Je n'attends rien au profit de ma descendance. Au bout de quelques textes ici, je me suis créé une dépendance. Dépendant, reconnu comme excellent. Brinque-ballant de phase en phase, mais je suis exubérant. L'exunéant, si la patience est une vertu, moi je suis perdu dans ses rangs. Sidérant, mais c'est qui lui là? Qu'est-ce qu'il fout là? Il a pas une gueule à chanter Lolita. Thomas N. Gijol, l'expérience prouve que tu changes pas le monde. Avec Asta la vie, star, je suis la star, c'est bizarre. J'ai l'instinct, je vise le sommet pour me déterrer de toute cette misère. C'est le mystère, même Sherlock Holmes m'a perdu dans ce planisphère. Tes rimes sont éphémères, hypochondriaque, appelle-moi effet de serre. Appelle-moi effet de serre, professeur. Je suis le plus typé pour ne pas être un prédécesseur. Appelle-moi connaisseur, car pendant que je gravis des échelons, toi tu montes en bas sans ascenseur. Je suis le jigsaw de tes textes, appelle-moi carpenteur. Je suis carabateur, dans ce bijet, les deux pieds dans le collimateur. Tu sais que je te mate sur tous les points, appelle-moi. Yeah, joli mateur, j'ai fui les autres à ras de terre. Yeah, j'ai fui les autres à ras de terre. Yeah, je veux être écolo, taper des billets verts. C'est pour ça qu'à toutes vos propositions, ouais, je suis en trou vert. C'est pas pour ça que je rapperai avant trou vert. Mon rap résonne jusqu'à Vancouver. Yeah. Certains seront dans l'assiette alors mais que deux couverts. Assuré par l'agence tout risque, ouais, je suis couvert. Moi j'ai pas des coups de blues, j'ai des coups de verre. J'ai découvert tant de choses à la Kevin Costner. L'ère de la relève a débuté, pas besoin de parler de textostère. Pas besoin de test et de testostérone pour avoir un succès à la charistérone. Ici j'ai fait ma place, ouais j'ai le sérum. Yeah, ouais j'ai le sérum. J'ai pas les yeux à Véron, à Véron. Véritable, je suis un firehomme, firehomme.